Ce qui m'émerveille n'est pas uniquement son récit, mais également le ton pour le narrer, sobre, sans la moindre emphase, et j'ai honte, très honte, d'ignorer cette histoire, comme si ce peuple chinois, par rapport à nous, occidentaux, vit dans une autre planète, à nous inconnue. Après sa chronique, le grand-père reste plongé dans ce qu'il a évoqué, mais il le regarde avec des yeux brillants de fierté. Je m'adresse à elle, s'il te plaît. Demande-lui quel est le souvenir le plus intense qu'il a gardé de cette marche. Elle formule mon vœu à son grand-père. Il plisse les légères rides du front, ses yeux deviennent plus vifs, il pense un long moment, semble chercher dans ses souvenirs, puis déclare « Ce fut la traversée d'un col situé à plus de 3000 mètres d'altitude. La neige arrivait au-dessus des genoux, la température était au-dessous de 20 degrés, le vent glacial pénétrait nos vêtements et congelait notre corps jusqu'aux os. L'épuisement physique nous écrasait. Tenir le fusil me semblait porter le poids d'un cheval. Mettre un pied devant l'autre pour marcher coûtait une immense douleur et produisait souvent des crampes. Respirer l'air glaçait affreusement les poumons. Tout le corps n'était que souffrance, et l'esprit également. Un court instant de silence, puis « Je ne savais pas. Je ne comprenais pas comment chacun de nous pouvait endurer tous ces tourments. Il me semblait que mon corps était détaché de moi, qu'il allait tout seul en titubant pour son compte, et qu'il finirait, d'un moment à l'autre, par tomber sur la neige et y rester définitivement. Tout à coup, je ne sentis plus mon pied gauche. Je succombais sur la neige, totalement engourdi. Je ne parvins plus à me relever. Je désirais alors mourir tout de suite, pour ne plus souffrir. Je restai assis, attendant la mort, en regardant les flocons de neige, gros comme des sauterelles, s'abattre sur moi pour m'ensevelir. J'étais honteux de n'avoir plus de force, d'abandonner mes compagnons, de ne plus revoir ma famille. J'essaye de me justifier un peu, de me résigner. Je me suis dit « Oh, tellement de camarades sont morts, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas moi aussi ? L'important est que les survivants continuent leur marche jusqu'à la victoire. Nous, nous sommes les graines qui l'ont ensemencée et contribuent à sa floraison. » Il cesse de parler et contemple son épouse ainsi que Mei avec une tendresse profonde. L'ancien combattant poursuit. « Soudain, je sentis quelque chose. Deux bras avaient saisi mon thorax et tentaient de me soulever. » C'était un camarade qui voulait m'aider. Ne pouvant plus parler, je secouai la tête négativement pour lui signifier de me laisser. Je savais qu'il avait besoin du peu d'énergie qui lui restait pour continuer à marcher, mais il persista à vouloir me soulever. Nos yeux se rencontrèrent, nous essayâmes de nous regarder à travers les flocons de neige qui cinglaient nos visages et brouillaient notre vision. La main du camarade me secoua pour me signifier de me lever. Une deuxième fois, d'un mouvement de tête, je refusai. Puis j'indiquai mon pied gauche. Le compagnon se pencha et l'examina. Il comprit. Mon pied était complètement noir, mort, gelé. Alors mon camarade déchira une partie du bas de sa veste, déjà en lambeaux, et m'en banda le pied. Ensuite il se releva, saisit mon épaule et me souleva. Ce fut uniquement pour lui épargner de perdre davantage la force qui lui restait que je faisais appel à ce qui me restait comme volonté, serrant fortement les dents à les briser, affrontant les douleurs qui me déchiraient partout, je parvins à me relever. Mon sauveur me tendit mon fusil. Je le pris avec difficulté. Mon camarade passa mon bras gauche sur son épaule et de sa main gauche il tint la mienne afin que je ne tombe pas. Alors, ainsi soutenu par lui, j'ai continué à marcher en m'appuyant sur mon arme pour poser le moins possible sur la neige le pied devenu inutile. Ce camarade, je ne le connaissais pas. C'était la première fois que je le voyais. Il faisait partie d'une autre compagnie qui s'était jointe à nous pendant la traversée du col. Il m'a sauvé la vie, au risque de perdre la sienne. Dans la situation d'alors, pour chacun de nous, tout effort, même le plus petit, était extrêmement précieux, indispensable pour survivre. Mais après avoir avancé de quelques mètres ensemble, soudain, mon camarade s'écroula d'un coup, et je le suivis dans sa chute. Il resta immobile, le flanc sur la neige. Tout à coup, je sentis sa main toucher ma cuisse. Elle y imprégna quelques faibles poussées. J'en ai compris le sens. Mon camarade utilisait son ultime geste pour m'encourager à me relever, sachant que pour lui c'était fini, qu'il allait expirer. L'aide qu'il m'avait accordée lui a été fatale. Moi, je perdis connaissance. Je me suis réveillé dans un camp, sous une tente. D'autres camarades m'avaient secouru. Tout de suite, j'ai voulu savoir où était mon compagnon. On me dit qu'il était mort. J'ai demandé comment il s'appelait. « Hao Yun », m'a-t-on répondu. Le grand-père se tait, très ému. Sa nièce m'explique. « Hao Yun signifie « bonne chance ». Un monde vient de se dévoiler à moi, totalement insoupçonnable, enflammant davantage mon désir de connaissance. Puis-je poser une autre question à ton grand-père ? Laquelle ? Après la victoire, quelle fut la chose qui lui procura le plus de plaisir et, si je peux me permettre de le demander, celle qui lui causa la plus amère des illusions. Rétorque May. Je pense qu'à la première il répondra, mais à la seconde, j'en doute. Pourquoi ? Je ne sais pas, réplique-t-elle, ce qu'il en est en Europe, mais en Chine, les gens n'ont pas l'habitude de parler des choses déplaisantes, en plus devant un étranger. Je comprends, essaie quand même. Elle hésite, j'insiste gentiment, s'il te plaît. Tout au plus, ton grand-père n'y répondra pas. Elle pose les deux questions. Le vieil homme reste pensif, tous nous l'observons attentivement. Il baisse les yeux vers le sol, continuant à réfléchir, puis il les relève et se remet à parler de la même voix douce et lente. La chose la plus belle que j'ai vécue après la victoire fut l'instauration des communes populaires. Elle devait être la réalisation concrète de notre idéal d'égalité et de solidarité. Nous étions tellement heureux de nous considérer enfin membres d'une même famille, citoyens d'un même pays, sans distinction ni privilège. Nous avions partagé de tout notre cœur ce que nous possédions pour le bien commun. Enfin, enfin nous étions les uns pour les autres non plus des adversaires et des ennemis, des exploiteurs dominateurs contre des exploités dominés, mais des collaborateurs pour le même idéal. Nous étions réjouis de l'avènement de cette époque nouvelle, radieuse pour tous, sans exception. Le visage du narrateur s'est brusquement épanoui. Cependant, vite, l'illumination est remplacée par une teinte de mélancolie. Mais, reprend-il, certains n'appréciaient pas cette harmonieuse forme de société. Égoïste, il tenait trop à ce qu'il possédait, même s'il s'agissait d'un maigre cochon, d'une poule, d'un misérable tout petit lopin de terre ou encore d'un vieil instrument de travail. Il ne voulait pas de la mise en commun des biens. Il croyait obtenir mieux par eux-mêmes. Alors fut commise une erreur fondamentale. Au lieu de les convaincre pacifiquement de s'unir au bénéfice de l'idéal collectif, les dirigeants les y forcèrent de manière dictatoriale. En plus, pour édifier l'industrialisation du pays, à laquelle ils donnèrent la priorité, ces mêmes dirigeants favorisèrent les citadins au détriment des paysans. Par conséquent, ces derniers résistèrent de diverses manières, et malheureusement, les dirigeants ne comprirent pas ou ne voulurent pas comprendre qu'un idéal ne s'impose pas par la coercition, mais uniquement en fournissant des explications convaincantes, de manière patiente et intelligente, sans oublier d'être, comme dirigeant, un exemple concret de comportement personnel. Une expression d'amer regret apparaît sur le visage du vieil homme. Il continue. On aurait dû, parallèlement aux communes populaires, permettre à ceux qui n'en voulaient pas de choisir librement leur manière de vivre. Ainsi, mis en concurrence pacifique les uns par rapport aux autres, nous devions démontrer que le système de mise en commun produisait plus et mieux dans l'intérêt de tous. Mais les chefs n'admettaient que l'obéissance sans discussion. La détention du pouvoir leur avait tourné la tête, les avait rendus arrogants et sourds aux doléances du peuple, d'où l'échec de leur politique. Ainsi arriva le jour où l'on décréta la fin de ces communes populaires. La plurimillénaire mentalité égoïste se releva, en profita et triompha. Pour moi et mes camarades, le démantèlement des communes populaires fut le plus triste jour de notre vie. Plusieurs, moi aussi, nous avons pleuré, amèrement. Pour la première fois, nous nous sommes posé la plus cruelle et la plus douloureuse des questions, la longue marche. À quoi a-t-elle servi? Et moi, personnellement, je me suis adressé une autre question. Pourquoi Hao Yun et tellement d'autres camarades se sont-ils sacrifiés? La seule réponse que j'ai trouvée fut la plus éprouvante découverte de ma vie. Le peuple, c'est-à-dire nous, a été seulement un instrument manipulé par des dirigeants. Ils prétendaient nous défendre alors qu'ils n'ont agi que pour satisfaire leur bas instinct de domination comme tous les dominateurs qui les ont précédés. J'ai déjà entendu grand-père exprimer cette dernière observation. Il ajoute ceci. J'aurais voulu que le peuple dans son entier progresse lentement mais ensemble, partageant bénéfices et difficultés. Malheureusement aujourd'hui, une minorité s'enrichit au détriment d'une majorité dont la situation s'aggrave. Frais de logement, de santé, de scolarité, de transport, de denrées diverses, etc. Je reste étonnée d'entendre grand-père confier ses intimes pensées à un étranger. Grand-père doit ressentir envers lui une grande estime pour lui avouer cette douleur. Ou bien le poids de cette désillusion est une trop lourde souffrance, et il a profité de cette occasion pour s'en décharger un peu. Je tente de comprendre où est la vérité. « Grand-père, dis-je d'un ton farceur, tu as révélé des choses graves à un étranger. »« Oh, petite May, » répond-il avec jovialité, « depuis que je m'étais enrôlée dans l'armée rouge, j'avais compris qu'il n'y a pas des Chinois et des étrangers, mais des êtres humains, et que ce qui devrait nous être étranger, c'est l'autoritarisme et ceux qui le pratiquent, et rien d'autre. » Quand May me traduit cet échange de considérations, Je reste songeur. J'estimais que l'amour d'une personne était le seul objectif noble de la vie. L'amour de cet homme est supérieur, lui ce qu'il aime d'abord, c'est l'humanité entière. J'observe le vieux paysan et son épouse. Assise près de lui, elle le contemple avec une profonde affection. Certes, cet homme aime sa femme, mais il aurait certainement sacrifié cet amour à celui qu'il considère plus grand encore. Cet amour-là, moi, je l'ai trop peu connu, seulement de manière fugace. Quand maman me portait, enfant, aux manifestations du 1er mai des travailleurs, puis entrant dans ce qu'on appelle la vie active, celle-ci m'a complètement conditionné. À la fin du repas, en quittant la table, le vieil homme me montre un cadre en m'invitant à m'approcher pour mieux le voir. J'y vais. C'est un texte, d'une admirable calligraphie de couleur noire sur un tissu blanc. À son tour, Mei nous rejoint. Son grand-père me dit quelque chose dans sa langue. J'en demande traduction à sa petite-fille. Un peu gênée, elle répond « Il t'informe que c'est moi l'auteur de ce texte. » Je l'avais écrit pour lui avant de rejoindre mon travail à Pékin. Et que, disais-tu, méprisons les honneurs, empêchons les malheurs, aimons la vérité et la simplicité, cultivons la bonté, c'est là qu'est la beauté. Je suis impressionné par cette manière de s'exprimer, directe, très claire, concrète, dense dans sa brièveté, sans fioriture. Nous sortons dans la cour. Je rumine un instant sur ce que j'avais écrit à mon grand-père. Dans quelle mesure ai-je respecté et pratiqué ce beau programme ? Aller vivre dans la capitale, travailler dans une ambassade, est-ce compatible avec les principes énoncés ? La vue des parents de Mei, gays, intimement liés par l'affection, me rappelle mes grands-parents. Enfant, je leur rendais visite à la campagne, maison rustique mais agréable, assis à la table de bois, mangeant en compagnie de mes parents et grands-parents, paternels et maternels. Ambiance pas tellement différente de celle de la famille de Mei, habitant de la campagne chinoise ou de celle de mes parents, à part la physionomie des personnes, même hommes et femmes, même simplicité, même chaleur humaine. Dans la cour de la maison, je demande à Mei de me prendre en photo avec les membres de sa famille. Elle s'adresse à eux, ils acceptent avec plaisir. Elle saisit son téléphone et le prépare pour photographier. Me plaçant entre le grand-père et la grand-mère, je pose délicatement les bras sur leurs épaules. Ils tournent les yeux vers moi, un peu surpris, mais comprenant la signification de mon geste, ils en sont attendris. Nous fixons l'objectif, sourire. Mei actionne l'appareil. « Prends plusieurs photos, dis-je, comme ça on choisira les meilleures. » Elle l'explique aux parents. Remise en pause, nouveau sourire, autre clic. Au moment des salutations, je remercie tous les membres de la famille d'un « sié, sié ». Le qualifie de chaleureux, c'est peu dire. Je serre une infinie tendresse la main du vieillard. La sienne fait de même avec la mienne. Pris par un irrésistible sentiment de reconnaissance, j'enlace le vieux paysan, doucement, alors que j'aurais voulu le serrer très fort contre moi. D'abord étonné, avec un petit rire amusé, à son tour, il me prend très affectueusement dans ses bras. Après avoir quitté la famille de Mei, elle et moi poursuivons notre itinéraire en voiture. La route est droite et longue, sur une plaine bordée de rizières et de champs. L'atmosphère est douce. Je repense avec tendresse à la famille rencontrée. « Merci, Mei. De quoi ? » demande-t-elle. « De m'avoir fait connaître tes parents. »« Oh, cela m'a fait plaisir de vous voir ensemble. » Ton grand-père m'a ouvert les yeux sur des choses très intéressantes. Si nous étions restés plus longtemps, il t'aurait raconté encore plus de choses. Par exemple, elle pense un instant. Une discussion passée, m'ayant fortement marquée, me revient en mémoire. J'hésite à la raconter. Est-ce que Bruno serait intéressé par une histoire sordide de sous et d'égoïsme, de politique et d'économie, en plus chinoise ? Alors, insiste Bruno, s'il te plaît, parle. Je me décide à lui narrer l'affaire. J'avais une vingtaine d'années. J'ai assisté à une discussion qui est demeurée incrustée en moi, comme une marque de fer brûlant. Je te la raconte, mais si elle t'ennuie, je te prie de me le dire et je me tairai. D'accord, je t'écoute. Je raconte. Je fus invitée à un dîner dans la famille d'une amie. Elle s'appelle Yang. Après avoir fini de manger, une discussion très rude éclata entre mon amie et ses parents. La mère affirma scandalisée. « Ils veulent que nous soyons tous égaux, mais la nature nous a fait inégaux, des forts et des faibles, des intelligents et des stupides, des industrieux et des fainéants. Alors, comment prétendre donner à tous les mêmes droits ? Est-ce juste ? Est-ce raisonnable ?»« Les uns et les autres, objecta sa fille, tous ont le même estomac, tous ont besoin d'un toit, de santé, d'une école, de loisirs. Ne faut-il pas qu'ils les méritent ? Contesta la mère. « Certainement. Ah ! Triompha la mère, tu es d'accord avec moi. Ton père a consenti tous les sacrifices pour la révolution. d'autres n'ont rien fait, ou très peu. N'est-ce pas juste que ton père reçoive sa récompense, quelque chose de plus que ses autres ? Non, s'indigna Yang. La révolution n'est pas un investissement personnel pour en tirer des privilèges. Elle est un don individuel à la collectivité. Mais regarde donc la réalité réelle, réagit la mère. La production stagne. Si les usines et les champs étaient concédés aux plus capables de les faire fructifier, comme cela se fait en Amérique, tu verrais quels beaux résultats nous aurons. À quel prix ? En appauvrissant la majorité de la population et en enrichissant une minorité ? Oui, bien sûr, il faut satisfaire les exigences en besoins matériels, mais pour tous. Tu n'as pas vu que c'est impossible ? Depuis la victoire de ce que vous appelez la révolution, tout démontre la faillite de votre utopie. Et tu sais pourquoi, maman ? Tu sais pourquoi ? Parce que, affirme la mère, tout simplement, c'est une utopie, une lubie si tu veux, une idée d'un esprit farfelu, en contradiction avec la réalité. Depuis la soi-disant libération, le système n'a pas même réussi à nourrir sa population. Il est incapable de produire un bon acier. Seulement des mots, des mots, des mots ronflants. Et les mots, ça ne produit pas du riz, ni de l'acier. Mei interrompt le récit et me demande, un peu inquiète, « Ça ne t'ennuie pas ce que je raconte ?»« Non, non, au contraire, tout au contraire. Continue, je t'en prie. » Elle poursuit. « Non, maman, objecta Yang. Moi, le motif de l'échec, je le vois dans quelque chose de très précis. » « Et ce serait quoi ?» interrogea la mère, totalement sceptique. « L'égoïsme, l'avidité, voilà les monstres qui nous empêchent de nous entraider, de coopérer de manière équitable. Je comprends et j'admets que l'on puisse être propriétaire d'une maison, d'un animal ou d'une bicyclette, je veux dire d'un objet à usage individuel. Mais vouloir posséder un bien commun de manière exclusive, un bien qui sert à la vie collective, telle une usine ou un champ, qu'est-ce que cela produit sinon l'exploitation des travailleurs par le propriétaire pour en tirer un profit, lequel sert uniquement à l'enrichir, lui, au détriment des salariés qui, eux, n'auront que le strict minimum pour renouveler leur force de travail. Qu'est-ce que ce système produit, sinon, encore une fois, une division entre une minorité de possédants et une majorité de démunis ? Par conséquent, une guerre civile larvée, économique et sociale. N'est-ce pas cela le capitalisme, le féodalisme, l'esclavagisme ? Moi, je dis que l'être humain ne doit jamais, jamais être un simple moyen pour, à son détriment, enrichir quelqu'un d'autre. Toute l'histoire humaine démontre la monstruosité de cette conception. Il faut sortir de cette barbarie pour vivre enfin dans une société juste, selon le principe « tous pour un et un pour tous ». À ce moment, le père intervint, désapprobateur. « Tu voudrais donc que les incapables et les fainéants soient excusés et aidés ? Sont-ils nés fainéants et incapables ? » rétorqua la fille. Elle attendit une réponse. Constatant le mutisme énervé de son père, elle poursuivit. « Non, évidemment. Il faut donc se demander qui les a rendus fainéants ou incapables. » Le père étrancha sèchement. « Chacun est responsable de lui-même. » « Quand ?» revint la fille à la charge. « Nos grands-parents étaient soumis à la domination des seigneurs féodaux et des impérialistes. Étaient-ils responsables de leur situation, alors qu'ils étaient soumis à une affreuse aliénation culturelle ? Une minorité de citoyens conscients et courageux ne les ont-ils pas aidés à prendre conscience de la nécessité de se battre et leur ont enseigné comment agir ?« Tu trouves des excuses à tout, toi !» déclara la mère, excédée. « Ce ne sont pas des excuses, maman, mais des explications. » « Alors, reprit le père, explique-moi pourquoi les pays capitalistes sont riches et la Chine pauvre. » « C'est parce que nous, on veut que tous progressent ensemble, tous, et c'est cela qui est difficile. « Impossible est le mot, » rectifia le père. Qu'est-ce qui est préférable ? Vouloir s'en sortir tous ensemble, sans y parvenir, ou permettre à ceux qui en sont capables de créer les richesses nécessaires, même au prix de laisser derrière eux les incapables, et même, oui, même au prix de reconnaître aux capables les privilèges qu'ils méritent par leur travail et leur intelligence ? Papa, je répète que les incapables ne sont pas nés ainsi. C'est le système social qui les a mis dans cette situation défavorable. Par conséquent, c'est ce système social qui est incapable, et c'est lui qu'il faut changer. La mère, perdant complètement patience, se leva et quitta la salle. Son mari, lui aussi très contrarié, la suivit. Mon amie et moi sommes restées assises, infiniment tristes et désolées. Ma pensée alla à mon grand-père et à tous ses compagnons de combat et de sacrifice. Qu'aurait-il dit en écoutant les propos des parents de Yang ? Le soir, dans ma chambre, j'ai écrit ces mots. Tout finit en poussière. Pourquoi donc insensé ? Rendre la vie amère, d'épines hérissées. À la fin du récit, Mei se tourne vers moi. « J'espère que je ne t'ai pas ennuyé. Tu auras certainement ennuyé beaucoup de gens de mon pays, hélas, car ils pensent comme les parents de ton ami. Quant à moi, au contraire, je t'exprime toute ma reconnaissance. Pourquoi ? Auparavant, Écouter un discours pareil m'aurait vite ennuyé. Ce type d'argument me dérangeait. Je n'aimais pas ce qui risquait de mettre en crise ma bonne conscience. Voilà qu'à présent, c'est ce genre de problème que je cherche à entendre. Hein? Et pourquoi donc? Cela m'aide à mieux comprendre qui je suis, d'où je viens, où je vais. Bref, de ne pas vivre et mourir en idiot qui se croit libre et intelligent.